Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Robinson Crusoe est à la survie insulaire ce que le radeau de la Méduse est au naufrage, la fortune de mer. Entre l'œuvre de Daniel Defoe et le tableau de Géricault, loin des îles chiliennes et du banc d'Arguin, un autre drame s'est déroulé, cette fois-ci en mer des Indes, l'océan Indien. 237 ans après, Tromelin, l'île des esclaves oubliés, vient d'être redécouvert par l'archéologie et la volonté d'un homme, le commandant Guérou. Dans ce Salon Noir, il sera question de tragédie, de survie, mais surtout d'innovation et de cette extraordinaire capacité de l'homme à s'adapter à un milieu exogène. Dans cette exposition qui se tient actuellement au Musée d'Histoire de Nantes, j'ai retrouvé Max Guérou, président du Grand, et Thomas Romond, archéologue à l'INRAP. Max Guérou, au soir du 31 juillet 1761, une histoire s'achève pour faire place à une autre ? Oui, l'histoire de l'Utile, qui est un navire qui vient de Bayonne et qui a regagné l'île de France dans le cadre des voyages de la Compagnie des Indes. Donc son histoire se termine puisqu'il fait naufrage sur cette île. Et une autre histoire terrible commence, celle qui sera en définitive l'abandon d'une cargaison, entre guillemets, d'esclaves malgaches, achetée en fraude, et qui seront laissés sur cette île pendant 15 ans. L'île n'est connue que depuis 39 ans, formal et cartographiée, une sorte de banc de sable perdu dans l'immensité de l'océan Indien. Il se trouve que cette île, qui a probablement été vue dans le passé par les navigateurs hollandais et portugais, mais n'est pas portée sur les cartes, et ce n'est qu'en 1722 qu'un bateau de la Compagnie des Indes qui fait route vers les Indes, par chance, aperçoit cette île pour la première fois. Personne ne descend sur l'île, on ne fait que de la positionner au passage. Et avant le naufrage dont on vient de parler, personne ne mettra le pied sur cette île, qui restera en dehors des cartes marines jusqu'en 1739, où elle apparaît pour la première fois. Et après, le problème récurrent de cette époque-là, c'est comme la navigation y est très imprécise, sera de préciser la position de cette île, probablement pour le malheur du commandant de l'Utile, qui aura entre ses mains deux cartes marines donnant des positions différentes de l'île. Et au lieu d'être prudent, choisit manu militari l'une des cartes en disant c'est celle-là la bonne, et malheureusement il se trompe. Que se passe-t-il exactement le 31 juillet, du moins dans la nuit et du 1er août ? Donc à bord du bateau, il y a deux cartes avec des positions divergentes de l'île. Et il y a une discussion assez vive, semble-t-il, entre le pilote et le capitaine, qui choisit donc de poursuivre sa route la nuit, malgré l'imprécision des cartes. Comme l'île est très basse, petite, et très peu visible, ce qui devait arriver arrive, donc il trouve l'île sur sa route, il n'a pas la possibilité de l'éviter, donc il s'échoue. Il s'échoue ou il talonne ? L'échouement, ça commence toujours par quelques coups plus ou moins violents. Mais rapidement, il se retrouve coincé sur le récif. Et on fait les manœuvres que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire on essaye d'alléger le bateau pour se rapprocher de terre. Dans le cas précis, on coupe les mâts, c'est toujours à peu près la chose qu'on fait. On jette par-dessus bord les pièces d'artillerie qui peuvent être jetées, en l'occurrence les pièces qui sont sur le gaillard d'arrière. Ce qui a pour effet de soulager un peu le bateau, mais ne le déplace que d'une centaine de mètres vers le nord. Donc ne le rapprochons pas de la côte, mais comme le courant longe la côte, le met un peu plus au nord qu'il n'était au début, mais donc n'améliore pas sensiblement sa position. Et c'est là que le bateau, après avoir talonné, été bousculé pendant 2-3 heures, va peu à peu se disloquer, se couper en plusieurs morceaux. On est au cœur de l'océan Indien, en pleine mer, c'est juste un petit banc de sable, et la mer est en général très violente. L'une des caractéristiques de cet îlot, c'est que vraiment, Déjà, le mot île veut dire isolé, mais là, elle est particulièrement isolée, puisqu'en gros, Madagascar se trouve à 450 km, les îles de la Réunion et de l'île Maurice actuelle se trouvent à près de 500 km, donc on est vraiment très loin. Ce qui veut dire aussi que rien n'arrête la mer quand le vent souffle. Même quand le vent est modéré, la mer y est très forte, parce qu'il y a un effet d'entraînement du vent sans obstacle. Quand on y est, d'ailleurs, le paysage semble idyllique, la mer semble bleue, et en fait, dès qu'on s'approche du rivage et qu'on essaye de mettre un pied dans l'eau, on s'aperçoit que c'est extrêmement violent. Alors nous sommes bien sûr sur une sorte de bonsa perdu dans l'immensité de l'océan Indien. On a déjà des morts instantanément? On a, par exemple, le recensement de décès? Oui, bien sûr. Pour la chance de l'historien, c'est que l'écrivain du bord a été sauvé, donc... C'est lui qui va établir un rôle d'équipage après le naufrage, de mémoire, c'est-à-dire probablement en interrogeant les uns et les autres, parce qu'il y a quand même près de 140 personnes à répertorier. Donc il doit interroger les uns les autres pour faire l'état des gens qui se sont noyés dans le naufrage. Donc le résultat, c'est que, en gros, une vingtaine de membres de l'équipage se sont noyés, dont le frère du premier lieutenant se noie sous ses yeux, qui est un jeune pilotin. Et du côté des esclaves, c'est beaucoup plus meurtrier, puisque l'Utile n'était pas à proprement parler un navire négrier, donc on n'était pas équipé pour le transport d'esclaves, et donc on avait parqué les esclaves dans la cale, et par crainte de révolte, on avait cloué les panneaux de cale. Eux ne seront libérés, non pas par les marins qui déclouront les panneaux, mais simplement lorsque le bateau se sera disloqué et qu'ils pourront s'échapper par les ouvertures qui se sont pratiquées dans la coque. Et donc près de la moitié des 160 esclaves qui ont été embarqués meurent noyés. On est sur une île d'à peu près un kilomètre, absolument sans eau. Au départ, oui, l'urgence totale, c'est de trouver de l'eau. Il est bien évident que si on ne trouve pas de l'eau, en 8 jours, il n'y a plus personne. Hein. Donc, alors certes, les marins savent très bien qu'en creusant près des plages, on arrive à trouver de l'eau, et c'est ce qui se produit. Un premier essai est infructueux, et au bout de 3 jours, ils arrivent, mais à une profondeur quand même notable, puisque c'est 15 pieds, donc c'est presque 5 mètres de profondeur, ce qui, quand on connaît le substrat de l'île, c'est un rude travail. Ils trouvent une eau saumâtre, liquoreuse, mais buvable, qui va sauver tout le monde, quoi. La vie s'organise, de tels naufrages sont assez fréquents. Les marins et leurs charpentiers sont en général rodés. Ils reconstruisent en général un bateau avec les restes de l'épave. C'est ce qu'il va se passer pour l'Utile ? Oui, en partie, sauf que le charpentier qui a été engagé au tout dernier moment, en fait, l'armement de l'Utile est marqué par une grosse difficulté de trouver les équipages du fait de la guerre de 7 ans, qui fait que la marine, par l'intermédiaire de l'inscription maritime, récupère une grande majorité des marins, et que le port de Bayonne est un port corsaire qui arme aussi beaucoup de bateaux à la course. Donc au final, les négociants qui font l'armement sont obligés de demander à la marine de puiser dans les classes, et on trouve un charpentier au tout dernier moment. Et probablement que si ce charpentier est sur le marché, c'est qu'il n'est pas réputé pour être un très bon charpentier. Il a d'ailleurs, sur l'île, on s'aperçoit très rapidement qu'il est incapable de construire le bateau et même de faire un travail de charpentier normal. Et c'est le second, Castellan du Vernet, qui est premier lieutenant, qui va, donc malgré la peine et la fatigue qu'il a, la peine c'est que d'avoir vu son frère noyé sous ses yeux, va dessiner les plans d'un bateau. Il va le construire en un temps qui est étonnant, puisqu'en 2 mois, ils construisent ce bateau. Malheureusement, par rapport au but initial, on ne peut pas le faire assez grand pour embarquer la totalité des gens qui sont sur l'île, et ce seront seulement les marins français qui embarqueront sur ce bateau. Le 27 septembre, l'embarcation de fortune repart. Combien de malgaches vont-ils être abandonnés à eux-mêmes ? En principe, 80. Donc ça a été assez difficile à... Assez difficile à déterminer parce que au début je m'étais basé sur le rapport du commandant de l'Utile à un chef d'escadre qu'il rencontre en arrivant à Madagascar, et il dit 60. Et quand on avait écrit le premier livre avec Thomas Roman au CNRS édition, j'avais mis un petit doute, j'avais dit 60 esclaves, à moins qu'il ne cherche à minimiser sa fraude en diminuant le nombre d'esclaves. Et j'avais raison, puisque en fait ce sont bien 80 esclaves qui ont été laissés sur l'île. Combien de temps vont-ils rester sur ce bout de sable ? Eh bien, ils vont y rester 15 ans. Pas les 80, parce que malheureusement, la majorité d'entre eux vont mourir, mais les rescapés vont vivre 15 ans sur cette île. On trouvera au bout de 15 ans 7 femmes et un bébé de 8 mois. Personne ne viendra les rechercher ? Non, aussi étrange que ça paraisse, personne ne vient les chercher. Et pourtant, ils ne sont qu'à 3 jours de mer de l'Île-de-France. Donc, c'est assez étonnant hein, qu'on ne fasse pas le geste d'envoyer un bateau pour les récupérer. Pourtant, les marins arrivant à l'Île-de-France ont prévenu le gouverneur. Oui, tout à fait. Non seulement ils ont prévenu le gouverneur, mais il faut savoir que le premier lieutenant, Castellan du Vernet, s'est engagé vis-à-vis des naufragés malgaches à venir les rechercher. Il leur a dit « je vais venir vous rechercher ». Il leur laisse une lettre d'ailleurs où il explique leur situation au cas où un bateau viendrait à passer. Ce personnage-là est très intéressant parce que on peut dire « bon, il a participé au trafic ». Alors on peut se poser la question s'il y a participé volontairement ou à reculons, mais il y a participé. Néanmoins, il cherche par tous les moyens à essayer de récupérer les malgaches. On le voit bien parce que dans les lettres qu'on retrouvera beaucoup plus tard, il dit qu'il embarque sur un bateau de la Compagnie des Indes, une petite escadre de la Compagnie des Indes. Il est sur le bateau amiral. Il s'ouvre à l'amiral de son souhait de retourner chercher les esclaves. L'amiral lui dit « on va envoyer une goélette » et c'est le gouverneur qui refuse. Pourquoi exactement ? Eu égard à leur statut ? Je pense par mépris de la vie humaine sûrement, mais parce que c'est un personnage qui est très trouble. Il est certain que lui faisait du trafic d'esclaves pour lui-même, que s'il avait interdit de ramener des esclaves sous le prétexte de ne pas ramener des bouches inutiles à nourrir, qui était le prétexte officiel, je suis à peu près certain que ce n'était pas vrai, puisque travaillant dans les archives, j'ai trouvé qu'un bateau portugais venant du Mozambique, au moment où l'utile était à Madagascar, est venu débarquer de plus de 200 esclaves à l'Île-de-France. Donc il est sûr qu'il faisait lui-même un trafic personnel et que probablement pour ne pas que les enquêtes aillent plus loin, il a fait le personnage important en disant le capitaine de l'utile a fait une faute. D'ailleurs, il meurt. Il a une phrase terrible, d'ailleurs, puisque Lafargue, le capitaine de l'utile, meurt pendant le trajet de Madagascar à l'Île-de-France. Et dans la lettre qu'écrit le gouverneur, il y dit « Monsieur de Lafargue est mort, il a bien fait ». Ce qui montre bien sa rage de voir un bateau couler, mais surtout la crainte qu'en fouillant dans cette histoire, on s'aperçoive de ces malversations ou du contournement des règles de la compagnie. Parce qu'acheter des esclaves à un Portugais, c'est strictement interdit, puisque c'est aller contre le monopole de la compagnie. Max Guirou, ces malgaches, ils viennent d'où exactement ? Alors, il y a peu d'informations concernant leur provenance. Une seule pièce de correspondance parle de Noirs Java. En fait, ça veut dire que Madagascar, on sait très bien qu'a été peuplé d'une part par des Africains et d'autre part par des gens venant d'Indonésie. Donc quand on parle de Noirs Java, on parle de Noirs d'origine indonésienne, donc des gens des hauts plateaux. Donc a priori, cette lettre semble dire que la majorité des esclaves proviennent des hauts plateaux, mais à mon avis, ce n'est probablement pas le cas dans l'ensemble, puisqu'on ne l'a pas dit, mais au tout début, attendant les retours, les secours, les malgaches attendent, et puis au bout d'un moment, probablement 1 an, 2 ans, peut-être un peu plus, décident de construire un radeau et de partir vers Madagascar. Et 18 d'entre eux, c'est ce que les femmes rescapées racontent, 18 d'entre eux partent sur un radeau. On imagine bien que des gens des hauts plateaux qui n'ont jamais vu la mer ne peuvent pas prendre la mer sur un radeau. Ils peuvent construire un radeau, mais partir sur la mer, c'est impossible. Donc il devait y avoir parmi les esclaves, quelques esclaves provenant de la côte est de Madagascar. Transculture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Mais Guirou, vous parlez d'esclaves. Ils ne le sont plus, désormais, seuls sur leur île. J'y verrais plus des reclus, seuls et séquestrés sur une sorte de vaisseau de sable. On a beaucoup, d'ailleurs, ça n'a pas manqué d'essayer de caractériser le statut des naufragés. Certes, ils sont en dehors des contraintes de l'esclavage, ils n'ont pas de maître, ils sont libres, mais ils sont libres dans une prison. Enfin, ils sont libres comme les prisonniers à Alcatraz, hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans une île, mais sans possibilité d'en sortir. Mais surtout, je pense que quand même, ils ont vécu tout un parcours où on les a considérés comme esclaves. Probablement, tous portent sur leur épaule ou leur avant-bras une marque au fer rouge indiquant qu'ils sont bien esclaves. Et donc déjà, physiquement, ils doivent avoir présent à l'esprit en permanence ce statut-là. Et moralement, je pense qu'ils se considèrent comme des esclaves, même s'ils n'ont plus de maître. Hein. Moi, c'est mon sentiment. Ils sont désormais sur une île qui est entièrement vierge. L'homme n'y a jamais posé le pied. Et ça, archéologiquement, vous pouvez le prouver. Oui, tout à fait. Enfin, il ne faut jamais être trop affirmatif, mais Il est certain qu'archéologiquement, lorsque l'on creuse le sédiment, on arrive à un sol primitif vierge où il n'y a aucune trace d'occupation humaine antérieure à ce naufrage. Mais dans la zone où on travaille, il faut bien avoir à l'esprit aussi que dans le récit que font les naufragés, enfin le récit de colportage, qui est un récit imprimé, qui est publié vers les années 1762-63, il est dit que au centre de l'île, il trouve une épave. Donc il y a probablement eu des naufrages antérieurs, et rien n'empêche qu'il y ait pu y avoir vie avant. Mais en tous les cas, dans la zone où on a fouillé, on a la certitude qu'il n'y a pas eu d'autre occupation humaine avant ce naufrage. Ce que vous avez fouillé, ce n'est pas l'épave, mais l'épave et le camp des survivants, les deux temps d'une même histoire. Oui, moi, c'était une des choses qui m'intéressait particulièrement, c'était d'avoir cette espèce de fouille en miroir entre le bateau et l'installation à terre, où il y a très très peu d'exemples en archéologie. Il y a l'exemple qui est à Red Bay, où les Canadiens ont fouillé un navire baleinier basque, et en face, la station baleinière. Mais c'est un terme général, donc c'est dans le terme d'une entreprise. Tandis que là, c'est dans une aventure ponctuelle, hein. C'est une histoire ponctuelle, donc il est extrêmement intéressant d'avoir en miroir la fouille archéologique et la fouille terrestre. D'autant que tous les objets que l'on trouve à terre proviennent de l'épave. Hein. Donc il est bien évident que même l'archéologue sous-marin qui ne plonge plus est utile à terre, parce qu'il est capable d'identifier des restes du bateau assez plus facilement que quelqu'un qui n'y est pas habitué. Mais comme vous le disiez, ces expériences de fouilles d'un côté d'une épave, de l'autre côté d'un campement sont rares. À ma mémoire, il y a aussi le navire ou les navires de la Pérouse, la Boussole et l'Astrolabe, associés à celle du camp des rescapés à Vanikoro, donc dans les îles Salomon, et en 1788, donc quelques années seulement après le naufrage de l'Utile à Tromelin. Oui, mais qui n'a pas donné lieu à la découverte des découvertes à terre aussi importantes que celles qui ont eu lieu à Tromelin. Donc, il y a quelques objets, la suspicion d'une installation, alors que sur Tromelin, on trouve les traces d'une installation complète. Hein, donc ça, c'est très différent. Mais l'intérêt de ces trois exemples, c'est ça, c'est qu'on a cette espèce de miroir entre la partie sous-marine et la partie terrestre. Sous l'eau, il ne reste pas grand-chose. L'épave a été totalement disloquée. On ne s'attendait pas à trouver des choses extraordinaires. J'ai l'habitude de travailler en particulier sur les épaves qui sont sur des récifs. Déjà, un naufrage sur un récif est extrêmement destructeur. Quand en plus c'est un récif qui est balayé presque tous les ans par 2-3 cyclones qui passent à proximité, il est bien évident qu'on avait très peu de chances de trouver quoi que ce soit. Mais le résultat quand même a été intéressant, c'est que à travers les quelques éléments lourds que l'on a retrouvés, c'est-à-dire canon, ancre, leste de fer, boulet, on a pu reconstituer ce que j'appelle la mécanique du naufrage, c'est-à-dire qu'on a pu, en cartographiant cet ensemble-là, retrouver les derniers instants du bateau, et ça c'est vraiment très satisfaisant pour l'esprit. Sur cette minuscule île de Tromelin, peut-on faire une géographie de l'espace occupé par les survivants et de leurs activités notamment ? Oui, tout à fait. Le gros intérêt de la fouille, tel qu'il est présenté dans l'exposition, c'est ça, c'est que dans une période archéologiquement très courte, hein, 15 ans, c'est très court, dans la chronologie des archéologues, on a la chance d'identifier 4 états de transformation de l'habitat, ce qui est assez extraordinaire dans l'absolu, mais qui en plus est une preuve extrêmement claire de la cohésion du groupe et de l'organisation du groupe, parce qu'on ne peut pas imaginer que de telles transformations aient pu être faites sur des impulsions individuelles. Donc là, il y a une image de cohésion très très forte. Pourquoi 4 phases ? Parce qu'il y a peut-être eu des cyclones ? Oui, probablement. Donc on a des traces d'envahissement par l'eau. Hein. On a la chance, quand on dans la stratigraphie, dans la granulométrie du sédiment, c'est de pouvoir reconnaître le passage d'un cyclone uniquement vent, c'est-à-dire la manière dont le sédiment se dépose, soufflé par le vent ou par inondation, et n'est pas la même. Donc on est capable de distinguer les deux. Donc on est à peu près sûr qu'il y a eu des inondations avant, après. Probablement pendant, ça c'est plus difficile d'avoir. Le problème est que les plus gros cyclones oblitèrent en général les plus petits antérieurs. Et puis on est dans une structure compliquée, c'est-à-dire que dans un habitat avec des murs, quand il y a du vent qui souffle fort, le vent souffle dans toutes les directions et c'est très compliqué à savoir. Mais ce qui est certain, c'est que il y a eu des destructions. On a par exemple des dépans de murs où on voit que l'occupation a succédé à la destruction du mur. On a des constructions, en particulier le point le plus important, c'est un mur de protection qui fait 8 mètres de long et presque 3 mètres de large, qui est construit en empiétant sur des bâtiments existants. Alors là, ça, c'est vraiment l'image précise d'une organisation et d'une protection, quoi. Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est l'adaptation de populations à une nouvelle situation auxquelles ils ne sont bien sûr pas du tout préparés. Oui, alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé et un peu amusé d'ailleurs vis-à-vis de l'ethnologie, ou qui a tendance à systématiser les comportements des gens. Alors quand on prend le malgache, l'ethnologue dit le malgache a un habitat individuel, il oriente sa maison selon les points cardinaux. Le malgache vit dans des habitations en bois ou en fibre végétale. Or là, on se trouve devant quelque chose de totalement différent. Donc, ce qui montre la limite, effectivement, de la systématisation, c'est-à-dire que les gens placés devant une nécessité adaptent complètement leur comportement. Là, on a quand même le premier point important, c'est que à Madagascar, la pierre était réservée aux tombeaux. Donc, et même il y avait des interdits royaux qui interdisaient donc de conduire des maisons en pierre. Donc accepter de construire un habitat en pierre et accepter d'y vivre est une adaptation non seulement physique mais psychologique certaine. Voir que à un moment donné l'habitat est formé de bâtiments convergent autour d'une petite place centrale va contre l'habitude des malgaches d'avoir des maisons isolées orientées par rapport aux points cardinaux. Donc on voit bien là les facultés extraordinaires d'adaptation de ces gens-là. Vous avez 1664 objets qui proviennent donc bien sûr de vos fouilles. Quel type d'objets ont produit les rescapés ? Alors, ils n'ont pas tous produit. Hein, c'est-à-dire que, justement, on parlait tout à l'heure de fouilles en miroir. C'est que l'intérêt, c'est que beaucoup des objets qui vont servir à la vie courante proviennent du bateau. Donc, en gros, on peut caractériser les objets en objets existants à bord du bateau et récupérés, mais qu'il va falloir entretenir, récupérer, réparer. Les objets provenant du bateau, mais dont la fonction a été détournée, c'est-à-dire on prend un objet, on a bien vu un gond de porte dont on fait une hache. Et ce gond de porte-là, il est particulièrement intéressant, puisqu'on parlait de Vanikoro tout à l'heure. Dans le village de Vanikoro, on trouve un gond de porte emmanché, encore utilisé par les habitants de Vanikoro. Donc à 10 000 km de distance, la même nécessité produit le même résultat. On trouve des objets qui sont fabriqués directement par les naufragés à l'aide de matériaux trouvés à bord, en cuivre, en plomb, en fer. Et puis on trouve quelques rares objets fabriqués avec leur environnement, c'est-à-dire une conque de triton un peu modifiée pour servir de louche ou une porcelaine utilisée comme cuillère. La consommation dans des récipients de fortune, en cuivre ou en plomb, n'a-t-elle pas entraîné quelques maladies ? Vous avez tenté quelques analyses ? Voilà, c'est venu tout de suite à l'esprit, puisque quand on trouve les récipients en plomb, on se dit « bon, à quoi ça peut servir ?» Et surtout, l'un des récipients se trouve à l'entrée de la cuisine. Or, une des coutumes malgaches, c'est de toujours avoir une jarre d'eau à l'entrée des maisons, à droite de la porte. Donc, il est évident que le fait qu'ils aient des couvercles, c'est pour empêcher que le sable ne rentre dedans et que peut-être les oiseaux ne fassent mettre de la fiente dedans. Donc, on se pose tout de suite la question. Est-ce qu'il y a un saturnisme ou pas ? Donc, on fait des analyses et on ne trouve rien. Puisqu'on a trouvé deux corps, et sur les deux corps, on fait l'analyse et on ne trouve rien. Mais les deux corps qu'on a trouvés sont des gens très jeunes. Et la conclusion, effectivement, c'est que très probablement, ils sont morts assez tôt, et donc trop tôt pour que le saturnisme ne fasse ses effets. C'est visiblement très difficile de pêcher du poisson sur cette île. Il y a bien sûr les tortues vertes qui viennent pondre sur les rivages. Restent bien sûr les œufs d'oiseaux et les oiseaux, notamment le sterne. On dit même que ces populations se seraient habillées de vêtements en plumes. Alors c'est un témoignage qu'on connaît des femmes, puisque quand on les retrouve, elles sont habillées de pagnes de plumes tissées. Donc, ce qui prouve qu'ils avaient une fibre, alors là, c'était le problème. Bon, au début, je pense qu'ils ont dû conserver des cordages et pouvoir tisser. Après, je suis un peu plus perplexe. On a cherché d'ailleurs fébrilement un pagne qui a été rapporté par Tromelin et qui a été offert au ministre de la Marine. Et je suppose que son état n'a pas fait qu'il était suffisamment brillant pour être conservé, mais donc on ne l'a pas retrouvé. Donc ils utilisaient les plumes pour s'habiller. Et les radeaux qui partent sont gréés avec des gréements et des voiles faites de plumes tissées. Donc c'est absolument étrange. Cette affaire fait grand bruit dans cette fin du XVIIIe siècle. Condorcet en parle, par exemple. Oui, alors il y a deux catégories de gens qui en parlent. Ce qu'on a d'ailleurs essayé de représenter dans cette expo, c'est d'une part des gens qui en parlent sans connaître la fin de l'histoire, c'est-à-dire le sauvetage des rescapés, et puis quelques-uns qui en parlent connaissant la fin. Alors, très curieusement, il y a deux choses assez curieuses. Il y a trois personnages qui en parlent après. Le premier, c'est donc Condorcet, qui, sous le pseudonyme de Schwartz, ce qui veut dire noir d'ailleurs en allemand, publie donc un ouvrage où il s'appuie sur l'histoire de l'utile pour démontrer quelque chose qui n'est pas très violent, où il dit « je vais vous montrer comment les Blancs ne se comportent pas entre eux comme ils se comportent avec les Noirs ». Donc c'est pas très très virulent. Mais il en parle. J'ai été chercher dans les archives de Condorcet à l'Institut et je n'ai trouvé aucune référence à cette histoire. Parce qu'en fait, il a été en plus renseigné par Desforges-Boucher, parce qu'il interroge Desforges-Boucher pour savoir ce qui s'est passé. Et Desforges-Boucher, sachant que maintenant les esclaves ont été retrouvés alors qu'il avait refusé d'aller les chercher, et d'une prudence de serpent, lui envoie à sa sœur à Paris des documents secrets en disant de donner le minimum à Condorcet. Donc Condorcet est assez neutre sur l'affaire. L'abbé Rochon, qui est un astronome qui était présent dans l'océan Indien au moment où cette histoire se produit, qui est aussi un ami de la famille des Tromelin, lui est beaucoup plus virulent. Et l'autre document qui est aussi très intéressant, c'est que Bernardin de Saint-Pierre, qui va écrire « Voyage à l'île de France », qui est un livre très critique vis-à-vis des colons et de leur comportement vis-à-vis des esclaves, écrit dans son manuscrit tout un paragraphe concernant l'histoire de l'utile, très violent, mais finalement ne le publie pas. Donc, ce qui est d'ailleurs à l'image de ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui a, au début, s'est élevé contre l'esclavage, mais quand on lui a demandé de s'engager dans les sociétés diverses et variées, il a toujours refusé de s'engager personnellement. Les huit femmes et l'enfant dénommé Jacques Moïse seront récupérés par le chevalier de Tromelin. Ils leur retoucheront bien sûr terre. Peut-on éventuellement envisager de retrouver leurs descendants ? C'est peut-être possible, mais c'est assez improbable. On a retrouvé le certificat de baptême du petit garçon, donc qu'il a été bien entendu baptisé Moïse. Il a reçu le prénom du gouverneur, Jacques, enfin de l'intendant. Donc on peut imaginer qu'il ait eu des descendants. Le problème est qu'il y a une foule de Moïse actuellement à l'île Maurice. Est-ce qu'il y aurait des utiles ? Oui, bien sûr. Alors là, c'est une des choses que je raconte dans le film qu'on a fait sur cette histoire. C'est qu'un jour, je reçois un email un peu étrange d'une jeune femme qui me demande « Est-ce qu'un esclave peut avoir le nom du bateau qu'il a transporté ?» Alors moi, je lui dis « Je ne sais pas ». Mais dans notre cas, la grand-mère du bébé, qui a été sauvée en même temps que le bébé, a été baptisée Dauphine du nom du bateau qui les a ramenés. Je lui dis « Mais pourquoi vous me posez la question ?» Elle me dit « Parce que ma grand-mère s'appelle Lutile. » Donc, à l'occasion d'un voyage à Maurice, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait de nombreuses familles qui avaient ce nom-là. Donc il y a une autre voie de recherche pour voir leurs ascendants. Quoi. Aurélie Luneau évoquera dans La Marche des Sciences les esclaves oubliés de Tromelin le 19 novembre. En attendant, je rappelle qu'une exposition se tient actuellement au Château des Ducs de Bretagne, le musée d'histoire de Nantes, qu'un ouvrage vient de paraître chez CNRS Éditions. La revue Archéologia, partenaire du Salon Noir, fait paraître son numéro de novembre. Au sommaire, la découverte d'une tombe samnite à Pompéi, les fouilles de la première Martigue, l'archéologie noire et le pillage, enfin le projet de loi sur l'archéologie, tandis que les dossiers de l'archéologie se consacrent au Paris du Moyen-Âge et dans un hors-série au Musée de l'Homme, donc à découvrir. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierre Mine, attachée d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.